des Islandaises quittant leur lieu de travail plus tôt pour aller manifester contre l'inégalité salariale. En Islande, les femmes gagnent 14% de moins que les hommes. 14h38 est donc l'horaire marquant le moment dans la journée où les femmes ne seraient plus payées, alors que les hommes continueraient de l'être jusqu'à 17h. L'Islande est pourtant le pays le mieux classé dans le rapport publié aujourd'hui par le Forum économique mondial. Cette étude mesure les progrès en termes d'accès à l'éducation, à la santé, aux opportunités économiques et politiques dans 144 pays. Le Parlement comptant le plus de femmes au monde se trouve au Rwanda, 64% de femmes dans l'hémicycle. Le Rwanda est classé 5e, la France, elle, arrive 17e. Un rapport mitigé puisque l'égalité économique a régressé vers le niveau atteint en 2008. Si la tendance actuelle continue, pour une fille née aujourd'hui, elle devra attendre de souffler sa 83e bougie avant de connaître une égalité réelle. L'accès paritaire à l'éducation pourrait lui être atteint d'ici 10 ans.